Chapitre 48e. Le salon de la Villa Redine était plus éclairé que de coutume, les domestiques moins réservés, le service plus bruyant. Les portes et les fenêtres ouvertes laissaient entrer un peu de vent, qui remuait les feuillages et les fleurs placées dans les grands vases, et leur donnait un air de fièvre en harmonie avec le reste. Le prince, venu au salon aussitôt après le dîner, avait le visage très animé. Pendant leur repas, il avait parlé à plusieurs reprises, provoquant ainsi la curiosité de ses hôtes et l'inquiétude de sa femme, qui le trouvait étonnamment surexcité, et à peine installé à sa place ordinaire, il avait impérieusement demandé deux choses fort différentes, mais qui pour lui résumaient le bonheur, de la musique et des glaces. Cléopâtre avait donné l'ordre de lui servir des unes avec modération, et lui avait promis qu'il ne tarderait pas à avoir le plaisir d'entendre de l'autre. En effet, elle avait invité pour le soir non seulement Demian, mais la plupart des artistes qui avaient pris part au concert. C'est la mortification qu'elle avait imaginée pour punir le jeune homme de son outrecuidance et pour le remettre à sa place. Monsieur et Madame Moutin, invités plusieurs fois, s'étaient jusque-là bornés à de courtes visites d'après-midi, mais aussi sentaient la corde tendue sans savoir pourquoi. L'espèce de frisson nerveux qui parcourt tous les membres d'une même société lorsque quelque orage moral se prépare, les avait envahis aussi bien que les autres, et c'est le docteur qui avait décidé sa femme à l'accompagner, pour tenir, disait-il, compagnie à la petite Hélène. Cléopâtre n'avait jamais été plus belle que ce soir-là. Rabenne, qui avait dîné à la villa, ne put s'empêcher de remarquer l'éclat de ses yeux, la rougeur intermittente de ses joues, qui lui donnait un air plus vivant que de coutume. De temps en temps, un léger frémissement de colère ou d'impatience passait sur elle et faisait résonner les pendeloques d'un bracelet curieux qu'elle portait souvent. Sa robe de soie blanche, d'une étoffe mate et lourde à plis épais, moulait son corps superbe à la façon orientale, arrêtée seulement très bas par une écharpe roulée. Cette manière nouvelle de s'habiller, que personne n'avait osé arborer jusqu'alors, lui valut des cris d'admiration de la plupart des hommes présents et des remarques mi-flatteuses, mi-craintives, des quelques femmes qui formaient sa société, et dont pas une n'eût osé émettre la plus légère improbation. Seul Rabenne, qui n'avait pas renoncé à l'idée de l'épouser quand la mort du prince la laisserait libre, en qualité d'époux éventuel, se permit un mot de critique. « Vous êtes trop belle !» lui dit-il à demi-voix quand elle apparut dans la porte, détachant sa silhouette merveilleuse sur le tissu foncé des rideaux. Elle le regarda avec un sourire orgueilleux, où se mêlait une sorte d'interrogation. « Vous êtes trop belle pour tout le monde, » reprit-il. « Celui qui vous aime préférerait peut-être que vous ne fussiez aussi belle que pour lui seul. »« La beauté est une puissance, Rabenne. Je croyais vous l'avoir déjà dit, » répondit-elle en passant devant lui. Rien que de l'or et de la soie blanche, un peigne d'or lourd et massif dans ses cheveux, des bracelets d'or vierge d'une forme et d'une couleur presque brute, et Cléopâtre pouvait affronter toutes les merveilles de la parure. On ne voyait plus qu'elle dans son salon, si riche cependant, qu'elle remplissait tout entier de l'incomparable rayonnement de sa beauté. Les invités arrivaient. Valérien et sa femme avaient eu les honneurs d'une réception spécialement gracieuse. Après avoir installé Groucha dans un fauteuil commode et bien placé, le jeune docteur était allé s'asseoir à côté du prince, qu'il avait examiné pendant un moment assez long. Le vieillard lui avait adressé la parole avec cette loquacité nouvelle, qui paraissait si étrange à ceux qui le connaissaient, et en le quittant, Valérien avait défendu à son valet de chambre de lui donner plus de friandises ce soir-là. « Surtout pas de glace », avait-il dit. Puis, il s'était mêlé aux autres visiteurs. Valérien savait se faire une place partout où il allait, celle d'un homme que rien ne peut atteindre, qui n'a besoin de personne et dont tout le monde peut avoir besoin. Les artistes convoqués étaient venus. On avait déjà fait un peu de musique, mais Demian ne paraissait pas. La princesse, appelant Rabenne d'un geste, le fit venir auprès d'elle. « Lui avez-vous dit ? » fit-elle avec un frémissement nerveux dans ses lèvres qui pâlissaient malgré l'effort de sa volonté. « Oui, princesse, ne fais-je pas tout ce que vous me dites ? » « A-t-il compris ? » ?»« Il a certainement compris, madame, au moins autant que vous désiriez qu'il comprît, peut-être davantage. » Elle regarda Rabenne avec une sorte de férocité, qui allait bien à son visage mince et à son costume bizarre. « Que voulez-vous dire ? » fit-elle en fixant ses yeux cruels sur ceux du diplomate. « Rien que vous ne soyez capable d'avoir pensé, princesse, » Elle allait répondre, mais un mouvement à la porte d'entrée lui fit détourner la tête. Elle était dévorée d'impatience, et pourtant elle accomplit ce mouvement avec une dignité noble que Rabben admira de toute son âme. Elle était faite pour porter une couronne et recevoir tous les hommages comme toutes les blessures, sans quitter son sourire de bienveillance hautaine. « Quelle ambassadrice vous feriez ? » lui dit-il tout bas. Elle avait entendu, il le devina un léger mouvement de son bras, mais elle ne dit rien et continua de regarder la porte. Demian venait d'entrer, extrêmement pâle avec sa cravate blanche, mais le front haut et le regard assuré. Les yeux de ces deux êtres qui avaient toutes les raisons de s'adorer se croisèrent avec une indifférence absolue qui, en semblables circonstances, était le plus outrageant des défis. « Bonsoir, monsieur Marcof, » dit la princesse de sa voix claire, sans faire un mouvement. « Nous vous attendions. Eh bien, et mademoiselle Hélène ?»« Mademoiselle Mianoff doit être ici depuis quelques instants, » répondit Demian, en s'inclinant devant elle avec respect. En effet, la petite Hélène était entrée tout doucement avec d'autres dames et sans faire de bruit s'était glissée auprès de madame Moutine. Les invités cherchèrent la jeune fille du regard, et ce mouvement de curiosité amena sur ses joues une légère teinte de rose. Elle se leva et s'approcha de la princesse, toute droite, irréprochable dans sa modestie, et digne cependant de tous les respects. Elle était vêtue de bleu pâle et aussi doux que les myosotis qu'elle avait sur la tête et dans les mains. Ces humbles fleurs des ruisseaux groupées dans ses cheveux superbes, en masses épaisses, étaient faites pour elle, comme elle était faite pour les conduire à l'honneur. « Vous n'êtes pas venus ensemble ?» dit la princesse avec ce sourire qui faisait passer dans sa bouche les plus belles insolences du monde, car on ne savait jamais si elle plaisantait ou non. « Je croyais que vous ne vous quittiez guère. » « Mademoiselle Mianoff s'est fait aujourd'hui une place indépendante dans l'estime des artistes et du public, » répondit vaillamment Demian, piqué on ne sait pourquoi par la remarque de Cléopâtre. « On m'a dit cela tantôt, » répondit négligemment celle-ci, laissant tomber le défi. « Je vous fais mon compliment, mademoiselle. Je n'ai pu vous entendre, je le regrette. » Hélène s'inclina et ne répondit rien, au grand scandale des dames qui s'entre-regardèrent. Cette petite musicienne aurait dû répondre en se mettant à la disposition de la dame du lieu. Était-il possible d'avoir si peu d'usage ? « De la musique ? » dit le prince d'une voix enrouée et hésitante, peu naturelle chez lui, qui d'ordinaire parlait rarement, mais avec beaucoup de netteté. Valérien se rapprocha de lui sans affectation. Cette parole venait de trancher les difficultés de la situation. « Vous entendez, mademoiselle ?» fit la princesse avec le même sourire. Hélène posa son bouquet sur le piano, ôta ses gants et commença à jouer. Un grand silence s'était fait dans la vaste pièce, si grand qu'on entendit distinctement un léger coup de vent passer dans les feuillages du jardin. La flamme des bougies frissonna au-dessus des bobèches de cristal, puis le calme se rétablit, et des sons si fins, si doux, qu'ils semblaient flotter dans l'atmosphère même, s'élevèrent dans le salon. Après une seconde d'attention, chacun comprit qu'il allait recevoir une de ces impressions d'art pur qu'on éprouve deux ou trois fois et qui font date dans une vie. Demian s'était un peu retiré, et, debout, appuyé contre la porte d'un salon voisin, il écoutait ce que jouait Hélène, et croyait l'entendre pour la première fois. Peu à peu, il se laissa bercer par sa rêverie. Il oublia Cléopâtre et la lutte engagée, ferma les yeux, et crut que la jeune fille, jouant pour lui seule, lui racontait une histoire qu'il croyait déjà connaître vaguement. C'était celle d'un cœur résigné, mais pourtant jeune et ardent, qui, dans l'obscurité d'une vie pauvre et sans joie, ignorait tout, hormis l'art et les jouissances qu'il procure. Pour ce cœur humble et content de peu, chaque jour était bon, pourvu qu'il n'apportât pas de peine, et les soupirs qu'il laissait parfois s'exhaler n'étaient pas de ceux de l'envie ou du regret, mais ceux d'une mélancolie sans amertume. Soudain, avec quelques fleurs, le soleil était entré dans cette âme, mais un soleil d'avril, souvent voilé par des nuages, si souvent que parfois lui mieux aimait ignorer le soleil et le trouble que ses rayons avaient fait germer. Puis était venu le travail austère qui console de tout, peu récompensé, mais si riche en douceurs graves, et une lutte nouvelle, non plus avec la pauvreté, mais avec l'ennemi du bonheur, celui qui voulait bannir le soleil de cette existence. Oh, alors, le cœur froissé avait trouvé des armes, de nobles armes, de celles qu'on avoue hautement et voilà que, aussi puissante, aussi fière que l'aigle qui bat de l'aile au-dessus des sommets du Caucase, l'âme victorieuse planait dans les terres et chantait son triomphe. Oui, le triomphe des miennes. Mais pour mettre dans vos mains aimées les palmes de sa victoire, ou plutôt le brin de myrte, toujours vert et parfumé, qui embaumait votre calepin dans la poche de côté de votre habit, ce brin de myrte, symbole de l'âme entière de la petite Hélène, jadis dédaignée, et qui aujourd'hui se dévoilait plus grande artiste et plus grande âme que vous-même. Il rouvrit les yeux, et un tonnerre d'applaudissements, dont la princesse, avec un bon goût parfait, avait donné le signal, le tira de son rêve. Avec 20 autres, il s'approcha du piano. Mais Hélène était trop entourée pour l'apercevoir. Distraitement, il prit le bouquet de myosotis et y plongea son visage brûlant pour en aspirer la fraîcheur humide. Le froissement d'une soie épaisse le fit retourner brusquement, et il vit la princesse s'enfoncer dans l'enfilade de salon qui menait à son boudoir. Il s'élança aussitôt et la rejoignit en un clin d'œil. Elle ne paraissait pas avoir entendu le bruit de ses pas. Il l'appela doucement. « Princesse, » dit-il. Elle se retourna. « Que voulez-vous » fit-elle de son ton indifférent. Ils étaient seuls. La foule s'étouffait dans le grand salon. Quelques vieux généraux, joueurs acharnés, de ceux qui joueraient sur leur lit de mort, faisaient des parties de préférence dans un salon contigu, et le reste de la villa était désert. La princesse jeta un coup d'œil sur la longue file de pièces éclairées et s'assura que personne ne les entendait. « Eh bien, que voulez-vous » répéta-t-elle, en regardant cette fois Demian en face. « Vous ne pouvez pas me recevoir comme je vous le demande ?» dit celui-ci, poussé par une colère croissante. « Vous ne m'aimez plus ?»« J'aurais pu vous recevoir ce matin, » riposta la princesse sans se troubler. « C'est vous qui avez refusé. Je vous retourne votre argument. »« Vous ne m'aimez plus ?» répéta Demian, trop irrité pour se laisser détourner de son unique préoccupation. « Vous êtes las de moi. » « Ce sont ces choses, monsieur, qu'on ne dit pas entre gens du monde, » répondit Cléopâtre, avec un accent de dédain provoquant. « Mais entre gens du monde, on peut les penser, n'est-ce pas, pourvu qu'on les taise. Chez vous, c'est la forme qui sauve tout. Ah, mon cher monsieur Marcof, je vous en supplie, ne me faites pas de scène. Rien n'est plus fatigant et plus inutile. » « Alors, » fit Demian, en étendant violemment le bras pour la prendre par la main, « vous ne m'aimez plus. » « Et qui vous dit que je vous ai jamais aimé ?» répondit Cléopâtre en se reculant un peu, mais en le regardant bien en face. Demian recula à son tour. Ce coup était si imprévu qu'il le trouvait sans défense. Une sorte d'horreur pénétrait dans son âme, et il ne voulait pas en croire son propre témoignage. « Vous ne m'avez pas aimé ?» répéta-t-il lentement. « Mais si vous ne m'aimiez pas ?» Cléopâtre haussa les épaules et voulut se remettre en marche. Demian lui barra le passage. « Si vous ne m'avez pas aimé, » lui dit-il brutalement, « pourquoi m'avez-vous reçu là ?» Il indiquait la porte peu éloignée du boudoir. Elle haussa les épaules une seconde fois, et au lieu de poursuivre son chemin, elle retourna, sans se presser, vers le salon. « Si vous ne m'avez pas aimé, pourquoi suis-je ici ? Pourquoi ? Pourquoi ?» riposta Cléopâtre en le toisant avec un superbe mépris. « Mais pour jouer du violon, mon cher monsieur Marcof !» Frappé dans tout son être, Demian resta immobile, hébété, écoutant machinalement le bruit de la longue traîne de soie qui s'éloignait lentement avec son mouvement régulier. Quand la princesse eut atteint le grand salon et qu'il le vit disparaître au milieu des invités, il revint à lui et s'élança sur ses traces. Elle était déjà assise dans un fauteuil et causait avec sa grâce ordinaire. Dans la porte du salon de jeu, il rencontra Rabenne qui lui mit la main sur le bras. Pas d'esclandre. Lui dit tout bas, mais fermement, le diplomate, qui avait deviné la scène précédente par le peu qu'il avait pu en observer de loin. « Un esclandre vous perdrait. »« Je n'ai peur de rien, » dit fièrement Demian. « Bah, mieux vaut vivre en paix, heureux et honoré. » Demian baissa la tête. Le mot « vivre » lui avait donné le frisson. Il suivit Rabenne dans le salon et se trouva près d'Hélène, qui depuis un moment le cherchait des yeux avec une inquiétude qu'elle ne savait guère dissimuler. Il la vit bien, mais vaguement. Ses yeux aveuglés par le besoin de la vengeance ne percevaient que le reflet de la robe de soie blanche lourde et aux plis écrasés de la princesse dans son fauteuil. « Encore une glace !» dit très haut le prince, qui avait profité de la disparition de sa femme pour arrêter le plateau devant lui et se faire servir copieusement par un domestique ignorant des ordres du docteur. Cléopâtre se leva vivement, adressa à son mari quelques paroles de reproche, de consolation et d'amitié, et après l'avoir calmé, elle se retourna vers ses invités. L'intérêt de la soirée, jadis si vif, semblait languir. En rencontrant les yeux de Demian toujours fixés sur elle, avec un mélange de stupeur et d'indignation, une idée digne d'elle lui frappa l'esprit. « À votre tour, monsieur Marcof, dit-elle, un peu de musique, s'il vous plaît. » Sa voix vibrante comme un clairon avait fait tressaillir le prince, qui resta immobile à la regarder, la bouche entrouverte. Tous les yeux se tournèrent vers le jeune violoniste. « Que votre Altesse m'excuse, répondit Demian, d'une voix également nette et agressive. « Je suis fatigué du concert de ce matin. »« Vous me refusez ?» fit Cléopâtre avec un très léger mouvement en arrière. Il s'inclina respectueusement. Tout son sang-froid lui était revenu. Il se sentait maître de lui-même, car il s'était vengé. « Ce n'est pas un refus, Altesse, c'est une prière. »« Je ne vous savais pas si facile à décourager, » reprit la princesse méchamment. « C'est depuis le grand succès de Mademoiselle Hélène que vous refusez de vous faire entendre ?» L'assemblée entière frémit. Les yeux de Demian lancèrent un éclair. Puis soudain, la joie inonda son visage. Il saisit la main d'Hélène qui, frappée au cœur, le regardait avec angoisse. « Je ne saurais être jaloux, dit-il, du talent de Mademoiselle Mianoff, car d'ici peu elle doit être ma femme. »« Bravo, » dit Rabène en s'avançant pour lui serrer la main. Son exemple fut suivi par beaucoup de braves gens qui ne se doutaient pas le moins du monde de l'héroïsme dont venait de faire preuve leur coryphée. Cléopâtre avait imperceptiblement reculé et sa main s'appuya sur le dossier du fauteuil de son mari. Pour la première fois de sa vie, elle était vaincue, et la secousse l'avait ébranlée. « Il l'épouse ?» bégayait le prince en la tirant par la robe. « Oui, mon ami, oui, il l'épouse, » répondit Cléopâtre avec une sollicitude machinale. « Faites-lui mon compliment !» continua le vieillard avec insistance. Lentement, Cléopâtre s'approcha du groupe qui entourait les jeunes gens et qui s'ouvrit devant elle. « Je vous fais mon compliment, » dit-elle de sa voix sonore, « et le prince me prie de vous transmettre les siens. Mais on voit bien que vous êtes artiste, monsieur Marcof, car vous aimez les coups de théâtre. Rien ne nous avait fait présager cet heureux dénouement. » Le rire clair et dédaigneux de la princesse traversa tout l'appartement, mais sans trouver d'écho. « Ce n'est pas si extraordinaire, » fit Rabène, prévenant ainsi une riposte peut-être plus vive de la part de Demian. « Un si gentil couple ?»« Oh, vous, comte, vous êtes romanesque !» dit Cléopâtre avec un indicible mépris. En ce moment, Valérien Moutine s'approcha de la princesse pendant que sa femme emmenait Hélène à l'écart. « Congédiez vos invités, madame, » dit le docteur à mi-voix. « Le prince n'est pas bien. Je crains qu'il n'ait une attaque. » Cléopâtre se tourna vivement vers son mari. Pour celui-là seul, elle pouvait se départir de son calme apparent. Croula le monde, peu importait, pourvu que son fétiche fût épargné. Le prince, toujours immobile, hébété, la regardait, et ses yeux sans expression semblaient s'obscurcir. Elle posa sa main qui tremblait, cette fois, sur la main froide de son époux, et adressa au docteur une interrogation muette et désespérée. Il répondit d'un signe. Aussitôt, les domestiques roulèrent le fauteuil et le malade dans les appartements intérieurs sans que personne se fût aperçu de rien. « Mesdames et messieurs, » dit la princesse, quand l'objet de sa sollicitude fut à l'abri des regards curieux, « le prince se trouve légèrement indisposé. Vous voudrez bien m'excuser si je ne vous tiens pas plus longtemps en compagnie. » Un brouhaha de questions l'interrompit. « Oh, peu de choses, » répondit-elle en souriant. « Une bagatelle, mais mon devoir ?» Mille protestations, mille éloges étouffèrent le reste de sa phrase, et 5 minutes après, les gonds de la grille roulèrent sur le dernier invité. Cléopâtre, sans prendre le soin de changer de toilette, rejoignit le docteur et son malade. Déjà, les secours les plus énergiques combattaient le mal, mais sans succès. Aux premières lueurs du matin, dans sa robe de soie blanche, souillée par la glace qu'elle avait mise toute la nuit sur la tête du mourant, la princesse Rédine s'agenouilla machinalement auprès du lit de son époux. Mais c'était une pure forme de piété convenue. Elle ne songeait pas à prier. Dans la douleur immense et irrémédiable qui remplissait son âme, son fétiche était mort.